Il est où l'arrêt du bus, là, il est où? Vous êtes perdu, monsieur? Non, non. Un peu, oui, parce que les tonnes, ça me rappelle quelque chose. Là. C'est ce que c'était, ça? Ah, là, le bidon en haut. Bah oui, c'était rien que des maraîchers qu'il y avait là. Regarde, là aussi, elles sont belles, les tomates. Là, c'était que des maraîchers en fait.